Le comte Xavier par Henri Gréville. Chapitre 1er. Le comte Xavier Sanitsky ouvrit les yeux juste au moment où le soleil, passant par un trou du volet, faisait un rond lumineux sur son oreiller. La chambre était obscure, les deux fenêtres étant fermées par d'épais contrevents de bois, fixés à l'intérieur et par une barre également de bois qu'on plaçait tous les soirs en grand renfort d'essais malheureux dans deux crampons de fer. C'était un système primitif et incommode, qui réunissait à peu près tous les désavantages. Mais depuis 91 ans qu'un comte Stanitsky avait fait construire cette maison vénérable, on n'en avait jamais employé d'autre. Donc, bon ou mauvais, le système de la barre de bois durerait jusqu'à ce qu'un autre Stanitsky fît bâtir une autre maison, ce qui pour l'instant offrait le plus petit nombre de probabilités possibles. Un Américain n'eût pas parié là-dessus $1 contre 1000. Mais Xavier avait de bons yeux. De père en fils, les Stanitsky avaient la vue excellente. Et, de plus, le jeune comte, ayant 19 ans révolu de la veille, devait y voir plus clair que jamais. Heureux âge. Heureux âge, en effet. La chambre était laide et maussade. D'affreux meubles en acajou, d'un style baroque matiné d'empire, et l'on ne sait quoi, la meublesse en l'ornée. Le lit était un simple canapé recouvert d'un tissu de crin à faire frémir un hippopotame. Mais là-dessus, Xavier faisait étendre tous les soirs un tapis de peau de daim, épais et souple. Son fidèle valet de chambre recouvrait la peau d'un drap en fine toile de Hollande. Une couverture de soie complétait le coucher succinct, et le comte Xavier dormait d'un sommeil sans rêve, au milieu d'une pauvreté réelle et d'un luxe fantasmagorique. Dès que ses yeux excellents furent ouverts, Xavier se recula un peu sur l'oreiller et s'amusa à observer les fines poussières qui dansaient dans le rayon de soleil. Elle montait et descendait, tournait et revenait sur elle-même, faisant beaucoup de mouvements presque sans se déplacer. « Sont-elles bêtes, pensa Xavier, de se donner tant de mal pour si peu de résultats? Quelles leçons pour nous autres? Sachons ne travailler qu'à bon escient. » Or, comme il n'avait rien à faire de précis ni même d'utile, le jeune comte se garda bien de remuer, et, commodément enfoncé entre le dos du divan, également couvert d'une peau de daim souple comme un grand de Saxe, et le corps du immeuble, dans un petit angle aussi dur qu'une pierre de taille, il médita pendant 5 bonnes minutes. Une des choses les plus extraordinaires qui soient au monde, et certainement l'une de celles que la science ne parviendra que difficilement à expliquer, c'est le plaisir que les Russes, aussi bien que les Polonais, trouvent à rester couchés sur des lits absolument inhospitaliers. Durs, étroits, dépourvus de matelas, à peine recouverts d'une couverture, ces lits offrent cependant à leurs propriétaires des douceurs capables de les pousser non seulement à la paresse, mais encore pendant le jour à des siestes prolongées qui, dans de telles conditions, semblent non seulement inexplicables, mais même injustifiables. Xavier s'allongea avec délice dans l'angle qu'il occupait. La vie lui semblait bonne, apparemment. Soudain, une idée lui vint. Étendant le bras vers une grosse canne à pomme d'or, appuyée contre le canapé, et qui par miracle n'était point tombée cette nuit-là, il en frappa plusieurs coups sur le plancher de sapin. C'est ainsi que, de temps immémorial, les Stanitsky appelaient leurs gens dans un pays où il n'y avait point de sonnette. La porte s'ouvrit, un plateau apparut, porté par une créature bizarre qu'au premier aspect, on ne savait trop comment classer. C'était un être humain, de 4 pieds de haut, vêtu d'une sorte de redingote en drap jaunâtre, orné sur les côtés de poches énormes, dont les gardes tombaient jusqu'à terre. Cette redingote, qui s'arrêtait à 2 doigts du sol, laissait voir des pieds gigantesques chaussés de bottes. Une tête ridée comme une vieille pomme de rainette surmontait cet ensemble, couronnée elle-même de cheveux gris taillés en brosse, qui poussaient de rue et se dressaient de tous côtés comme les piquants d'un porc-épic. Des sourcils qui avaient l'air d'une brousse australienne ne laissaient entre leurs lignes et celles des cheveux qu'une mince bande de peau tannée. Le reste du visage était soi-disant rasé. Mais personne n'avait jamais vu sa barbe rasée de frais. Sa barbe était de 8 jours d'un bout de l'année à l'autre. Cet étrange personnage portait un plateau de tôle jadis verni, maintenant écaillé en tous sens, et sur ce plateau, 5 objets de vermeil d'une forme délicieuse et d'un travail exquis. La théière, le sucrier, le pot à crème, une corbeille à pain, une tasse fixée à sa soucoupe, digne des maîtres orfèvres de la Renaissance. Ça va ? Qui voyait dans l'obscurité, comme son homonyme le hibou, déposa le plateau sur une chaise, enleva sans se presser un des contrevents de bois, puis l'autre, les posa contre le mur, ouvrit les fenêtres, qui laissait rentrer un torrent d'air tiède embaumé, l'air de mai, puis reprit son plateau et s'approcha du lit. « Bonjour, comte Xavier, » dit-il en inclinant la tête si bas que son menton disparut dans les plis de sa prodigieuse cravate. « Avez-vous bien dormi ?»« Très bien, » répondit le jeune homme d'un air distrait. « Il fait chaud. »« La terre boue, » répondit le vieux serviteur en déposant le plateau sur la petite table qui se trouvait près du lit. Il se recula d'un pas pour admirer la belle ordonnance de ce déjeuner frugal. Puis, mettant sa tête un peu de côté comme un oiseau, « Qu'est-ce que mon jeune maître ordonne pour aujourd'hui ?» Xavier avait replié ses jambes sous lui, à la façon des tailleurs, et sans se préoccuper du drap ni de la couverture, trônait sur son lit, redevenu brusquement canapé. « Ce que j'ordonne, » fit-il d'un air distrait, « je n'en sais rien, quoi de nouveau ?» Sava s'inclina respectueusement. « Rien du tout, mon maître, » répondit-il avec emphase. « Pas de lettres, pas une seule. » Ma tante n'a pas écrit. Son Altesse, le commandant, n'a point daigné écrire, fit Sava d'un air plus important encore. Xavier réfléchit pendant une demi-minute, puis se dressa. Alors, dit-il, j'irai la voir tantôt. Le vieux serviteur esquissa une imperceptible grimace. À pied, dit-il si humblement que son humilité devenait du persiflage. Tu rêves, fit Xavier en se détournant d'un air boudeur. Que font mes chevaux ? Sava versa, sans se presser, le thé parfumé dans la tasse de vermeil, et il laissa tomber deux morceaux de sucre. Le jeune homme s'assit machinalement devant son déjeuner et rompit un biscuit. « Beaux chevaux, » reprit Sava, en se mettant dans la position déférente d'un valet de chambre bien appris. « Beaux chevaux, mon jeune maître, sont occupés aujourd'hui. Il y a un des carrossiers qui laboure le potager. Le second est allé chercher de l'eau pour l'arrosage, car nous remplissons le réservoir. Le troisième, « Hé ! « Va te promener !» grommela Xavier. « Si deux chevaux sur trois sont déjà hors d'état d'être mis à la calèche, peu m'importe ce que fait le troisième. Il boite !» acheva discrètement Sava, qui couvrit sa bouche de sa main après cet aveu, comme pour voiler son irrévérente appréciation envers un personnage aussi important que le cheval de son maître. Le comte Xavier versa de la crème dans son thé et rompit un second biscuit. Le soleil versait au dehors un fleuve de lumière dorée qui coulait entre deux rives de tilleul sur un lit de gazon vert et brillant. Au dehors, c'était une exubérance de couleurs, de mouvements, de vie. Toutes les richesses de la nature semblaient s'être prodiguées entre la terre et le ciel, comme des pierres précieuses entre le velours et le satin d'un écrin merveilleux. Au-dedans, la chambre était nue et pauvre, avec un bizarre mélange d'objets luxueux éparpillés sur les meubles vermoulus. La terre n'appartenait plus aux Stanisky. Depuis longtemps, les biens vendus prospéraient entre les mains de petits propriétaires intéressés à les faire valoir. La vieille maison de bois démantelée, encore décorée du nom pompeux de château, était la seule propriété du jeune comte. C'était son unique héritage, avec quelques lopins de forêt et de prairies, qui lui rapportaient juste de quoi ne pas mourir de faim. À l'âge de 8 ans, Xavier avait perdu sa mère. Le père, qui adorait également sa femme et son fils, avait aussitôt placé celui-ci dans une école militaire et s'était mis à jouer pour se consoler de la perte de la comtesse. Le jeune garçon, beau, intelligent, paresseux par tempérament, travailleur par accès, avait fait des études très suffisantes. Au moment où il allait rentrer au logis paternel, son père était mort, emportant avec lui une rente viagère qui lui avait permis de vivre agréablement jusqu'alors dans le grand monde de Varsovie. Xavier s'était trouvé héritier de la maison en ruine, du titre de comte et d'une demi-douzaine de têtes de bétail, dont jusqu'alors l'unique raison d'être avait été de fournir au comte Stanitsky des petites mottes d'un beurre excellent qu'il envoyait en cadeau à ses nobles amis, les dames de la ville, dont il était resté jusqu'au dernier jour l'adorateur fidèle et très apprécié. Xavier avait encore hérité de Sava. Sava, jadis valet de chambre de son grand-père, alors que le château des Stanisky recevait la plus brillante noblesse des environs dans ses hautes salles resplendissantes de lumière. Dans ce temps-là, Sava avait peut-être 20 ans et portait une livrée éclatante avec les bas de soie à la française. Depuis la mort du grand-père, la fortune avait diminué, les cartes en dévorant tous les ans quelques parcelles. La jeune comtesse morte aussi, les cartes avaient montré des dents de plus en plus longues, si bien qu'après avoir fermé les yeux de son second maître qu'il avait servi pendant 32 ans, Sava était revenu au château, rapportant dans deux coffres tous les biens meubles dont héritait le dernier des Stanitsky, Xavier, revenu de l'école militaire pour apprendre les tristes nouvelles, et entré en possession de tous ses biens, dont le plus réel était la liberté. Le jeune comte avait aimé et pleuré son père, qu'il n'avait guère vu pourtant, mais son deuil n'avait pas été de ceux qui vous laissent inconsolables. Une chose le préoccupait beaucoup, et l'empêchait aussi de se laisser aller à un désespoir aussi intempestif qu'inutile. C'était la pensée de son avenir. Non qu'il fût ambitieux, mais il avait assez vu de la vie, si peu que ce fût en réalité, pour savoir qu'il ne pourrait pas se nourrir exclusivement de beurre et de crème accompagnant du thé, même pris dans une tasse de vermeil. Et cependant, hors son château branlant, où il vivait de gibier et des produits de son potager, il n'avait plus de ressources. Et quelle figure faire à l'armée aussi bien qu'à la ville, si l'on n'a point d'argent dans ses poches ou chez son banquier? Mais Xavier ne se tourmentait jamais très longtemps à la fois d'une même idée. Avec cette merveilleuse confiance de la jeunesse, et plus spécialement de la jeunesse slave, il sentait qu'un jour ou l'autre, quelque chose arriverait qui changerait les conditions de son existence. Que serait-ce ? Interrogé, il n'eût pu rien répondre. Quelque chose arriverait, bien certainement. Il ne poussait pas plus loin ses investigations. Ce qu'il entretenait dans cette espérance aussi vague que profondément enracinée, c'est qu'il ne manquait point d'amis, tous riches, élégants, aimables, tel qu'il devait être lui-même, tel qu'il était, sauf la richesse. Il avait surtout une tante, sœur de sa mère, qu'il aimait tendrement et qu'il eût volontiers toujours gardé près d'elle, si l'esprit indépendant du jeune homme ne s'y fût opposé. Elle savait à point remplir la bourse de son neveu et lui faire présent de 1000 douceurs. Mais ce qu'elle ne pouvait pas, ayant elle-même une fille mariée, c'était de relever la maison décadente des Stanitsky. Xavier n'en était guère plus avancé. « Je veux pourtant aller aujourd'hui chez ma tante, » dit-il en jetant sur l'appui de la fenêtre les miettes de son repas qu'une volée d'oiseaux vint aussitôt picorer. « Tu me feras sceller les tounes. » « Pour aller chez madame la comtesse ?» dit Saba, en ouvrant des yeux absolument ronds, parbleu, et puis « C'est loin ?» répliqua brièvement le fidèle serviteur. « Je partirai à 4 heures et je serai arrivé à 7. Allons, donne tes ordres, mais auparavant, habille-moi. » « Ça n'a pas le sens commun, » grommela Saba, en préparant la toilette de son jeune maître. « Et un si beau cheval, un cheval donné par madame la comtesse, elle ne sera pas contente si elle le voit arriver en sueur. » « Ça va !» fit Xavier d'une voix sévère. Rien n'était plus drôle que cet accent de sévérité avec ce timbre juvénile et musical. Le contraste était si comique que le vieux serviteur se détourna pour cacher un sourire. Au fond, il était absurdement fier de son maître, et les gronderies de Xavier, aussi peu raisonnées que les gambades d'un poulain, causaient au brave domestique un attendrissement, pour ainsi dire, paternel. Il s'écrie après vous comme pas un, disait-il parfois aux 2 ou 3 domestiques qui composaient le reste de la livrée. « On voit que c'est un vrai seigneur, un vrai Stanitsky. » Xavier passa l'après-midi à parcourir son domaine. Il y avait là un certain tilleul qu'il affectionnait. Depuis Jean Sobieski, qu'il avait vu planter en jour de réjouissance, tous les Stanitsky de père en fils étaient assis à l'ombre de cet arbre légendaire. C'était là qu'ils venaient prendre conseil d'eux-mêmes dans les occasions difficiles. Xavier n'y prenait conseil de personne, pas même de Saba. Quant à lui-même, comment eût-il pu se donner des avis? Une jeune tête sans cervelle, plantée sur d'élégantes et solides épaules, un brave cœur, honnête et sain, que le monde n'avait encore pu corrompre, de plus, gentilhomme dans l'âme, voilà ce qu'était le comte Xavier, rien de plus, rien de moins. À 4 heures de l'après-midi, la chaleur était moindre, la poussière dormait sur les routes ensoleillées, et l'ombre des peupliers encore mal feuillus y dessinait de grands réseaux clairs. L'étoune fut amenée devant la porte d'honneur du château, aujourd'hui condamnée, car les gonds ne tenaient plus au montant et de solides poutrelles clouées en travers l'empêchaient seules de tomber en dedans lorsque la tempête la secouait en hiver. Une petite porte basse, la châtière, disait Saba, avec un incommensurable dédain, s'ouvrait dans l'antique charpente. C'est par là que sortait Xavier, non sans courber un peu sa haute taille. Il sauta sur son noble cheval, noir comme la nuit et portant comme elle une étoile au front, et s'envola pour ainsi dire au détour du bois. La poussière que le galop de l'étoune avait soulevée s'affaissa bientôt et le silence retomba comme elle tout autour du vieux château croulant.